Nous allons compter ensemble de 1 jusqu'à 11. Amena compter jusqu'à ta anikele, nous on fait. Kele, fila, saba, nani, loru, woro, urumvla, segi, konondo, tan, tankele. Kele, fila, saba, nani, loru, woro, urumvla, segi, konondo, tan, tankele. Kele, fila, saba, nani, loru, woro, urumvla, segi, konondo, tan, tankele. Nous allons dire ensemble les jours de la semaine. Amena semaine yu konte nyon fe. Tene, talata, raba, amsa, juma, sibri, dimashi. Tene, talata, raba, amsa, juma, sibri, dimashi. Tene, talata, raba, amsa, juma, sibri, dimashi. Nous allons dire ensemble les mois de l'année. Amena san karo konte nyon fe. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre.